bientôt la fin. Bientôt. Bientôt la fin de tout, bientôt la fin de moi, surtout. Bientôt la fin de tout, bientôt la fin de moi, surtout. Putain, mais c'est dingue, même ce que je pensais connaître par cœur, tout se faufile de sous mes doigts, tout se faufile dans mes oreilles, je ne sais plus, rien ne va. Ah, quand même à peu près. Putain, ça me rassure, évidemment. Parce que là, ça commençait à me dire que je ne sais plus, là, mais... Oh, Marie Chantal, oh, Marie Madeleine, pourquoi t'as toujours tes bas en laine? Il fait froid ou quoi? Eh, Marie Chantal, t'aimes toujours l'anal? Marie-Marguerite, je sais pas ce qui est un rime en Marguerite, en hit, presbyte, en hit. Ouais, voilà. Mais un peu d'humour pour finir. Attends, c'était comment? C'est trop aigu. Ouais. Thank you. désormais disparu, désormais. Ah!